savoir comment ça s'est passé. Je me suis impressionné à prendre un pic et un bout de papier, tout ça pour m'évader, écrire, relater le pire, expliquer le tir, signer sa fille. Parce que aimer peut entraîner une mort lente et douloureuse, parce qu'après un élan de joie ton cœur devient poudreuse. À chaque mot écrit je sais que je laisse ma marque, je pose pour chaque fleur posée sur une putain de barque. C'est un grand tard que de vendre du vent, on a le droit à tendre à ramasser de conneries par an. Un clin d'œil à un grand que l'on appelle médecine. Ça c'est Pellera, pénicilline. À force de rimer, il en restera quelque chose. Quelques pros, viens, et je t'offrirai quelques roses. Il y a un écart entre le texte appris et le texte vécu. Je rappe là où le bonheur ne me touche plus. My outlet, my strength, my therapy. Soi-même, moment où l'on baisse les bras regardant le vide, on se torture. Pourquoi moi, situation où aucune solution nous parvient, on ne fait que s'endormir en attendant le lendemain. J'euthanasie ma vie, mon tourment, j'abrège mes souffrances, mon gars, en me délivrant. Je dirais que le talent excuse la cruauté, je serai donc ce tyran au service du RAP. Rien n'est acquis et tout ce travail, oublie Saphir à tes yeux, je suis simplement que Kamal. Tu veux savoir quand jamais il faut lâcher prise, lorsque tu trouves en la personne aimée tout ce prestige, la connexion suit au moment de vertige. Dis-toi que jamais il faudra que tu la négliges. My outlet, my strength, my therapy. And that's the reason why I need to write.